secret, je fais partie de la continuité. Je suis un des millions de boulons en association avec les vices qui font que le mécanisme de la société capitaliste subsiste. J'existe. À quelque part dans ça, c'est moi le petit gars au poids extra extra plume. La majorité de mon temps, je le passe dans la lune. C'est le fun quand j'aime pas ce que je vis, je peux être là juste de corps, pas d'esprit. Puis pour mon corps, si j'aime pas ce que je suis, nos jours pour devenir magnifique, y'a la chirurgie plastique, bullshit. S'accepter, c'est compliqué, mais j'irai pas me faire mutiler juste pour avoir l'air d'un cadavre embaumé qui continue à respirer. Plus joli de l'extérieur, mais aussi pourri de l'intérieur. C'est ça l'affaire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Parce qu'on en voulait plus. Tu sais, c'est bien mieux quand y'a personne qui nous surveille. Comme si on se sent moins mal d'agir en animal. Le monde est pas futé, regarde pas plus loin que le bout de leur nez. Passe leur temps à chialer que tout est mal chié. Ben oui, je le sais, payer des taxes c'est chiant. Pourtant sur le moment, tout le monde est content d'avoir leurs médicaments gratuitement. Quand tu te fais arrêter, un policier se fait chier. Mais si tu te fais cambrioler, qui c'est que tu vas appeler? Chaque médaille a deux côtés, on fait juste regarder celle qui nous plaît. On est épais pis on le sait, pis y'a rien pour nous faire changer pis ça m'enchante. Parce que souvent la vie est laide pis moi je le chante. Le poids de la vie pèse lourd sur nos épaules. Pour oublier notre sac à dos des fardeaux de l'existence, on appelle nos amis les narcotiques quand on veut s'en sauver vite. Mais c'est une solution temporaire qui arrange pas les affaires. Au contraire, ça peut les empirer. Le fait d'exister, je compare ça à un combat qu'on doit gagner. Puis tricher, ça aide pas. Crois-moi, crois-moi pas, tricher, ça aide pas. Dans la quête du bonheur, où on fait une grosse erreur parce que le bonheur se trouve pas dans l'argent. Regarde les gens riches, sont pas plus contents. C'est plus simple de nos jours, tout est compliqué. À l'époque des micro-ondes, puis des pylônes électriques qui développent des bébites dans la tête du monde. Je suis une bombe, un détonateur vivant qui peut se déclencher n'importe quand. Présentement, dans la tête de qui ça va pas? Peut-être moi, peut-être toi, on sait pas si ça fait peur.